Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la niaque ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, au plus profond de ma nuit, j'avais le palais imbibé de bourbon. Et tout ça m'a semblé national, car j'avais la langue bien pendue, mais on m'a limité mon temps de parole. J'étais dépité. Enfin bon, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien justement, professeur Colin, ce matin, pour le dossier Epsilon numéro 27, nous accueillons un beau parleur. Un beau parleur ? Foutre Dieu ! Mais qui donc est-ce ? Le mégaphone ? Ah mais arrêtez, rendez-moi ça tout de suite, arrêtez de faire l'idiot, préparez-vous plutôt pour la première brique, attention, c'est parti, fauteuil. Fauteuil ? Non, faux œil, c'est Albator. Albator est à travers, décidément, vous êtes de plus en plus dingue. Allez, deuxième brique, réseau. Réseau, oraison funèbre, Bossuet, l'aigle de mots. Non, pas du tout. Mais continuons à jouer sur les mots, voici la dernière brique, lycée. Ah, ok doc, il n'y en a qu'un pour réunir un fauteuil, un réseau et un lycée. Voltaire, bien sûr. Extraordinaire dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions celui qui sémaphore des lumières. Maniez-vous le train, les libertins, et apportez au labo le dossier de monsieur Arouet. Allez Voltaire, à table! Quelle question vais-je vous poser? Qui vais-je interroger? Le philosophe, le poète, le jardinier, le mondain? Je m'y perds. Je m'en remets au hasard de l'alphabet. De l'alphabet que monsieur de Voltaire, auteur du dictionnaire philosophique, ne désavouera pas. Vous avez parcouru le chemin de A jusqu'à Z. Je vous lancerai une lettre. Je comme J. J comme jouir. Je vous exhorte à jouir autant que vous le pourrez de la vie qui est peu de choses, sans craindre la mort qui n'est rien. Il s'agit là, n'en pas douter, d'une renaissance psychique. Eh bien oui, faisons ainsi, monsieur de Voltaire, jouissons sans entrave pour une authentique renaissance psychique. Vous placiez le plaisir au centre de la vie, merveilleuse perspective. Mais sachez malheureusement qu'aujourd'hui, c'est une idéologie bien mal barrée, pour ne pas dire prohibé. Cela dit, débutons notre séance par la traditionnelle première intervention clinique du professeur Mauduit afin d'amorcer ensemble notre petite analyse pour essayer de mieux comprendre les formidables méandres de votre fantastique structure mentale, cher monsieur. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, pour résister à ses adversaires nombreux et délétères, l'esprit libre de Voltaire devait impérativement mener une véritable guerre violente et sans répit. Notre patient n'avait alors d'autre choix que d'avoir recours, parfois, à la roublardise. On sait qu'une des tactiques favorites de Voltaire était de faire imprimer dans le secret ses ouvrages, de désavouer ensuite bruyamment cette publication dès la sortie des premiers volumes, de réclamer l'interdiction de cette édition soi-disant contrefaite, puis, après avoir pu juger de l'effet de son livre et s'étant mis à couvert, il inondait le marché de la librairie avec une autre édition, sortie des presses d'un autre imprimeur, français ou étranger. Rusé vous étiez, Voltaire, et votre pugnacité vous a conduit au triomphe, puisque vous êtes devenu un incontestable pilier de notre patrimoine national. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et pourtant, curieusement, celles et ceux qui seraient tentés aujourd'hui de se prêter à vos pratiques de flibustier seraient assurément immédiatement vilipendés. troublant, n'est-ce pas? Mais bon, nous avons ici devant nous 53 petites minutes afin d'établir tous ensemble un authentique diagnostic, toujours dans l'espoir, bien sûr, de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre philosophe sarcastique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son, puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre patient réfractaire aux imbéciles par l'entrée en scène du fantastique iguane indocile. I am a passenger. C'est le passager Iggy Pop, pas âgé, car l'iguane ne vieillit pas, et Voltaire, idoine. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Avant tout, le ministère psychique tient à mettre en garde Monsieur de Voltaire, qui s'est permis de placer ici une de ses plus célèbres épigrammes en forme de quatrain contre le pauvre polémiste le Sieur Fréron, dont la postérité a sans doute retenu le nom grâce aux attaques de Voltaire. Donc, le trublion du jour n'est autre qu'une authentique lumière, ce bon Monsieur de Voltaire. Alors, le ministère psychique n'a évidemment pas la prétention de retracer ici en quelques minutes la vie dense et intense de Voltaire. Bien sûr, on pourrait faire l'exégèse de sa pensée, applaudir ses actes de bravoure et ses combats contre l'autoritarisme, l'absolutisme et le fanatisme. Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, est né à Paris en 1694. À l'aube du XVIIIe siècle, Voltaire entre au prestigieux collège Louis le Grand, tenu par les jésuites. Et le gamin, qui prend un malin plaisir à s'encanailler dans le quartier du Temple, conserve toute sa vie son aversion pour ces jésuites, telle que cela transparaît encore quand Voltaire écrit Candide. Il a alors 65 ans et l'appétit toujours aussi aiguisé. Mangeons du jésuite, mangeons du jésuite. Oui, je sais ça. Oui, ce sont des... Ce sont des sauvages qui, tout à coup, au Paraguay, où les jésuites ont créé un véritable empire, trouvent ces 10 jésuites dans une situation de vaincus. Alors, ils imaginent tout de suite de faire un excellent repas avec ces jésuites. Alors, c'est devenu, si vous voulez, la phrase au XVIIIe siècle était devenue une sorte de slogan. On se rencontrait dans Paris en plaisantant, en disant « mangeons du jésuite, mangeons du jésuite ». C'est certain, Voltaire fut un des premiers bouffeurs de curés. Son esprit caustique et sa verve virulente lui ouvrent les portes de la noblesse de cour. Louis XIV est mort, le soleil s'est éteint et pour Voltaire, la régence met un peu de piment et de libertinage dans la vie d'un jeune homme de son âge. Mais Voltaire, opposant par nature, fréquente les salons de l'opposition, en l'occurrence, celui de la duchesse du Maine. J'ai des relations mondaines, j'ai des relations. Je connais la baronne du Maine, son fils Absalon. Je vais les voir chez eux une fois par semaine dans leur vieux salon, où tout un gratin des Maines se promène en large et en long. J'y côtoie des gens illustres, membres de l'Institut. Rassemblés autour d'un lustre, ils me disent « tu ». Par un jeu savant de miroirs et de glace dans leurs beaux atours, on les voit de profil, de dos et de face, croquant des petits fours. Grâce aux relations mondaines, grâce aux relations, je donne des lettres par centaines de recommandations. Ainsi ma filleule du Finistère, la petite Fanny, travaille à présent au ministère des travaux finis. » Et, en effet, des lettres, Voltaire en envoie par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, pas loin de 40 000. Bien sûr, certaines sont restées célèbres quand l'épistolier s'en sert comme des armes plus efficaces que des pistolets. Mais dans ce fatras de lettres, de billets et de notes, il y a bien entendu toute la correspondance quotidienne, voire amoureuse, qui échappe à la philosophie. Quoique... À Madame du Châtelet, Voltaire. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours. J'ai une envie de champagne! On meurt deux fois, je le vois bien. Cesser d'aimer et d'être aimable, c'est une mort insupportable. Cesser de vivre, ce n'est rien. Salope! Eh oui, Voltaire reste un sanguin, notamment avec Madame du Châtelet, sa douce amante, qui l'encourage sans cesse à approfondir ses études mathématiques au château de Cirey. Une sublime communion d'âme dans la France des Lumières pour le couple phare de la République des Lettres. Enfin, là encore, il faut nuancer, en prenant par exemple l'avis de cette Émilie du Châtelet, que j'ai moi-même d'ailleurs rencontrée personnellement pour préparer ce dossier. Ce serait mon deuxième philosophe. Ah oui ? J'ai fait le portrait de Voltaire. Voltaire ? Et seulement le portrait ? Non. Je me suis intéressée de plus près au sujet. Eh bien ? C'est un amant de neige. Cela fond dans les mains lorsqu'on le saisit. Ah, un amant de neige ! Quelle jolie métaphore attachée à celui qui qualifiait le Canada de quelques arpents de neige. Ainsi, lorsqu'il est contraint à l'exil, Voltaire ne choisit évidemment pas le Canada ni même l'Amérique. Lui, le nouveau monde qu'il est en train de conquérir, c'est celui de l'esprit. Alors Voltaire va se réfugier quelques années en Angleterre, mais c'est surtout son passage à Berlin qui a marqué les esprits. Voltaire y est appelé par le roi Frédéric II de Prusse, qui se targue d'être un monarque éclairé. Bon, en réalité, Frédéric est tout autant éclairé que Voltaire est un philosophe désintéressé des choses du monde. Pour comble de malheur, les Français que Frédéric a attirés auprès de lui sont jaloux de l'ascendant du poète sur leur roi. Et c'est une suite de tracasseries, de vexations inimaginables. Par exemple, Voltaire, qui a été nommé chambellan et qui touche une large pension, a droit à 2 bougies par jour. On ne les lui donne pas. Et comment écrire sans lumière ? Il doit recevoir du sucre, du café, du thé, du chocolat. On chicane sur la quantité et la qualité est exécrable. Voltaire se plaint à Frédéric. Frédéric répond qu'il va donner des ordres. Mais quand Voltaire se plaint de nouveau, Sa Majesté répond sèchement. Je ne ferai pas pendre ces canailles-là pour un morceau de sucre ou pour une pincée de mauvais thé. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de vous voir distrait de vos idées sublimes par de semblables misères. Et la misère pour Voltaire, c'est de se rendre compte que Frédéric II n'est pas le souverain des Lumières qu'il avait espéré. Ainsi, En 1753, Voltaire quitte précipitamment la Prusse à la recherche d'un nouveau refuge qu'il découvre ensuite près de Genève, à Ferney, tout juste à la frontière, une situation bien pratique pour se carapater fissa. Mais Voltaire, figure majeure de l'esprit de Paris, se devait de revenir à Paris pour dire adieu. En 1778, son corps vieilli rentre dans la capitale où il décède en mai. Mais même 6 pieds sous terre, l'esprit de Voltaire reste dangereux pour la monarchie absolue. Or, Voltaire étant mort, il était à redouter non pas des cris hostiles de la foule, mais des manifestations précisément trop exaltantes, puisque l'archevêché refusait d'accueillir les restes du grand homme. Et ceux qui l'entouraient eurent alors une idée incroyable, inouïe, macabre, diabolique. Ils avaient habillé son cadavre, puis l'asseyant dans son fauteuil, ils lui mirent du rouge aux joues et le coiffèrent de sa perruque. Et l'on vit alors un carrosse qui s'arrêta là, juste au coin de la rue de Beaune. Et comme s'il était mort de fatigue et non pas mort, deux serviteurs se mirent en devoir de le descendre comme un pauvre pantin tout désarticulé. Puis, ils l'ont mis dans ce carrosse qui l'emporta très vite à 20 lieues de Paris, dans une petite paroisse dont le curé, lui, voulut bien consentir à cacher sous la terre le corps glacé du philosophe. Le corps glacé du philosophe fut déposé dans l'abbaye de Sellières, avant d'être transporté au Panthéon sous la Révolution, où il se trouve toujours d'ailleurs. Alors voilà, il n'est pas besoin de préciser en quoi Voltaire demeure aujourd'hui encore une menace pour notre société, tant son esprit des Lumières ne cadre pas avec la volonté de certains de maîtriser l'interrupteur. Et, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Voltaire demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, j'ai ouvert ce lourd dossier Voltaire et comme vous l'imaginez, je n'ai pas eu besoin de relire l'ensemble de son œuvre tant ses luttes contre le fanatisme et l'absolutisme sont ancrées aujourd'hui encore dans notre société. Enfin, je crois. Voltaire a beaucoup écrit. Énormément. Des poésies, des pièces de théâtre, même de l'opéra, des contes, bien sûr, et des milliers de lettres. Presque autant qu'un ado aujourd'hui peut envoyer de SMS. Ah, la correspondance voltairienne, cette fulgurance épistolaire avec Frédéric II ou la grande Catherine, des textes au goût du jour. Salut, ça va? Tu fais quoi? Vas-y, Catherine, balance ton MSN. Lol, t'es où là? Eh oui. Houdon et Voltaire. Eh bien, son buste par Houdon est à la Comédie Française, où il fut couronné de laurier en 1778 dans un mouvement populaire, prémisse des journées durant lesquelles les Parisiens virent Voltaire, puis se révoltèrent. Et il est là ce matin devant nous, ce vieillard des Lumières, cet infatigable adversaire des despotes qui toute sa vie a cherché en vain un despote éclairé, un despote light, quoi. Lui, Voltaire, toujours sous les sunlight, tel un Travoltaire. Bien sûr, Voltaire n'est plus aujourd'hui autant lu qu'il ne le fut par le passé. Et hormis Candide et Zadig, ses œuvres sont quelque peu tombées dans l'oubli. Mais d'ailleurs, ce que l'on a complètement perdu de Voltaire, c'est sans doute sa conversation pétillante. Car ce qui fit le succès de Voltaire n'a pas été mis par écrit. Son esprit de salon, sa faconde et son sens du bon mot. Parce que la conversation a atteint des sommets avec Voltaire. Cette conversation qui peut, selon Théodore Zeldine, changer la vie. En effet, Théodore Zeldine explique dans son ouvrage intitulé « De la conversation » que notre monde a remplacé la vivacité d'esprit et la rhétorique par un parler précis et scientifique. Alors que pour Zeldine, la conversation est un jeu télépathique et une énigme dont on ne sait jamais quand les mots vont se mettre à danser, les opinions à se caresser, les imaginations à se déshabiller et les sujets à s'ouvrir. Professeur Colin, la vie est une longue conversation. Un échange perpétuel, encore faut-il maîtriser cet outil. Bon, parfois, bien sûr, il faut forcer la conversation, et ce n'est pas simple. Regardez, en Guadeloupe, il a fallu un mois et demi de grève générale pour que la conversation arrive à son terme, grâce à la loquacité du LKP, ce collectif qui regroupe pas moins de 49 associations et syndicats pour une union contre l'exploitation outrancière. Oui, il n'y a pas à dire, ce mouvement ilien voltairien. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Profond trouble d'intégration sociale dans le monde de la haute société qui le recherche et le rejette. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales qui en a surpris plus d'un en arrivant au paradis devant Saint-Pierre. Dieu, quelle sainte face viendrais-tu m'annoncer l'évangile? Suis-je pour votre grâce tout orage? Suis-je tout crime? Chaque jour dans ma tête viendra jaillir la fontaine de pleurs. Que nos âmes étaient belles, par quel outrage ai-je perdu ma valeur? Peut-être même entendrez-vous chanter. Jean-Louis Murat, tout comme le régent Philippe d'Orléans, emmura Voltaire au cœur de la Bastille pour 11 mois. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir redécouvert quelques grandes étapes de la vie si singulière de notre magnifique patient, il est temps dès à présent, me semble-t-il, d'analyser les deux obsessions récurrentes qui squattaient allègrement le psychisme de Voltaire. En premier lieu, comme chacun sait, notre patient a développé une aversion féroce pour le fanatisme religieux qu'il résuma en un slogan chic et choc « Écrasons l'infâme ». Cela dit, Hartung aurait immédiatement ajouté le Prussien à Frédéric II, car il faut éviter ici toute confusion. Notre ami Voltaire n'était point mécréant, tout au contraire, il croyait en Dieu, pépère. Et d'ailleurs, il répétait sans cesse « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Seulement voilà, Sache qu'aux nuisibles intermédiaires ecclésiastiques, Voltaire préférait un rapport direct et intime au tout-puissant. C'est ce qu'on appelle bien sûr le déisme tolérant. Mais alors, que s'est-il passé, bon sang, pour que notre patient déteste autant le clergé? Eh bien, dès son plus jeune âge, vois-tu, sur les ordres non négociables de son père, Voltaire entra chez les redoutables jésuites du collège Louis le Grand à Paris. Et là, très vite, il ne fut plus que circonspect quant à l'enseignement scolastique de ces prêtres de la Compagnie de Jésus. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Bon gosse enseigné, la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Ah ben oui, forcément, notre jeune Voltaire a immédiatement senti l'embrouille. Attends, puisque les voies du Seigneur sont impénétrables, explique-moi comment de simples êtres humains, quand bien même fussent-ils affublés d'une soutane, pourraient prétendre à venir s'interposer entre la conscience de chacun et Dieu lui-même. Absurde, bien sûr. C'est alors qu'à contre-pied de l'éducation des jésuites, Voltaire fit son entrée dans une société libertine, dont les membres épicuriens et espiègles refusaient toute morale religieuse et où Voltaire déclamait avec plaisir ses vers incisifs. Pourquoi, dans les jours d'abstinence, l'Église romaine regarde-t-elle comme un crime de manger des animaux terrestres et comme une bonne œuvre de se faire servir des sols et des saumons? Le riche papiste qui aura eu sur sa table pour 500 francs de poisson sera sauvé, et le pauvre, mourant de faim, qui aura mangé pour 4 sous de petits salés, sera damné. Voltaire. Certes, les attaques de Voltaire contre l'esprit religieux furent parfois frontales, mais n'oublions jamais que l'arme favorite de notre patient fut avant tout l'ironie. Et, vois-tu, rien n'est plus efficace que d'affronter de biais son ennemi, car ainsi tu le coupes de sa base de repli. Tiens, prenons l'exemple de cet opuscule publié par Voltaire en 1769 et dans lequel il annonçait très sérieusement la canonisation officielle d'un certain Cucufin, personnage imaginaire bien sûr, mais qui servit à notre patient dans sa dénonciation sarcastique de certains aspects du culte des saints qui exaspéraient Voltaire. Saint Cucufin fut en effet canonisé pour son dédain des louanges humaines et son désir d'être au plus haut point méprisé. Deux traits de caractère pas très catholiques, bien sûr. De la même manière, toujours en 1769, notre philosophe éclairé traduisit quelques évangiles apocryphes avec là encore une lecture très particulière, et notamment à propos des miracles du Fils de Dieu. Je veux que vous sachiez tous que chaque tour que vous avez vu dans mon théâtre n'était qu'illusion. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions. Ce sont des trucages, rien n'est réel. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Alléluia, alléluia. Je ne peux pas ramener à la vie un être qui est mort. Je n'ai reçu aucun message en provenance de l'au-delà. Alléluia, alléluia. Je vous présente mes excuses si je vous ai donné de faux espoirs. Ma seule intention était de vous divertir, rien de plus. Alléluia. Oui, tout comme Jésus, Voltaire avait l'intention de divertir ses contemporains, mais plutôt pour combattre l'esprit de sérieux d'une hiérarchie catholique toujours prompte à contrôler les âmes au détriment de la liberté. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que la lutte intellectuelle de Voltaire contre l'Église fut bâtie sur l'humour et l'ironie et n'en demeure pas moins essentielle dans l'histoire de l'émancipation de l'obscurantisme religieux au profit de la raison. Où Voltaire se montre un tempérament proprement scientifique, c'est par la haine qu'il voue à la religion du mystère, si l'on appelle ainsi l'attitude qui consiste à vouloir que les choses jusqu'ici inexpliquées, loin de devenir expliquées, restent impénétrables et à s'abîmer extatiquement dans leur inintelligibilité. Un exemple de cette attitude, eh bien, c'est l'exaspération que l'on cause aux fervents de l'occultisme quand on leur montre que certains faits qu'ils veulent incapables d'une explication rationnelle n'en sont pas du tout dépourvus. Eh bien, par le ridicule que Voltaire a jeté sur cette position, qui est rigoureusement stérile pour l'esprit scientifique, encore qu'elle n'en convienne pas toujours, Voltaire a rendu à la science un inestimable service. Un inestimable service, tel est l'héritage de Voltaire, car un monde moins obscur et moins superstitieux permet bien sûr d'entrevoir un monde moins anxiogène et surtout plus juste. D'ailleurs, c'est ici la seconde obsession récurrente chez notre patient, à savoir l'injustice. Et nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quel procédé ultramoderne en son temps Voltaire a utilisé pour réparer certaines iniquités. Alors, cher professeur Bauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble les conclusions de son enquête sur les moyens employés par Voltaire pour écraser l'infâme. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Alors, maître, professeur, pardon. Le patient du jour est aujourd'hui l'illustre et illuminé Voltaire. Oui, je dis bien illuminé, car si Voltaire a brillé en littérature, on le prit par contre pour un fou lorsqu'en 1762, il prit la défense de Jean Calas dans l'affaire judiciaire du même nom. Laissez-moi rapidement, à la vitesse des lumières, vous rappeler les faits. En 1761, à Toulouse, Jean Calas, marchand protestant, est accusé à tort du meurtre de son fils, qui s'est en réalité pendu. À la suite du jugement, Jean Calas est torturé et condamné à mort. Voltaire, qui eut vent de cette affaire, s'y intéressa à tel point qu'il finit par prouver l'innocence du père Calas. Il se sert, au fond, de sa notoriété pour aller défendre des causes obscures. Il est un étendard parce que cet homme va consacrer une énergie mais inimaginable à essayer de convaincre autour de lui les puissants, tous ceux qui peuvent avoir le moindre parcelle de pouvoir, qu'il faut réviser un procès. Et c'est la première fois qu'on fait ça. Donc cet homme-là met en fait toute sa gloire, toute sa réputation dans la balance. Et il monte une machine publique, faut bien dire une machine publicitaire tout à fait extraordinaire. Une machine publicitaire, c'est bien le terme. Voltaire écrit moult pamphlets et va même jusqu'à éditer des gravures représentant les adieux de Jean Calas à sa famille. En un mot, ce gars-là fait de la com. Je dégustais ma révolution. Je suis publicitaire. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Crétin peut-être pas, parce que dans l'ombre, Voltaire devient un vrai businessman. Et profitant de son domaine de Ferney, à deux pas du paradis fiscal suisse, il tente de convaincre différents banquiers pour financer son nouvel empire. Eh bien, j'étudie pour écrire des livres qui ne se vendent pas du tout, mais qui font avancer la connaissance de l'homme par l'homme. Enfin, je le pense. Passe-moi, Hamamétan. Courte, calme-toi, s'il te plaît. Mais c'est quoi le projet, là? Tu fabriques un produit avec ta qualité que tu puisses revendre après en faisant du bénéfice. Alors il faut que tu réfléchisses encore une fois à ton projet et on en reparlera. Heureusement, Voltaire a su tirer bénéfice de ses nombreux voyages, dont son séjour en Angleterre, où il a pu y découvrir toutes les philosophies de marketing et managing afin de driver au maximum sa nouvelle team des Lumières. Messieurs, laissez-moi vous soumettre mon plan de bataille. Phase 1, exploration. Phase 2, cimentation et souscription. Phase 3, rapport quotidien de la mission. Et phase 4, symbiose absolue avec votre leadership. C'est quoi ça, leadership? Leadership, c'est moi. D'accord. Ok, bon, c'est gravé. Any questions, gentlemen? Allez. Bon, c'est vrai, ses collègues ont un peu de mal à suivre la manœuvre. Alors du coup, Voltaire finit par faire cavalier seul. Enfin presque, car toujours accompagné de sa nièce, Madame Denis, il va finir par devenir le chef de file des Lumières et des spots éclairés. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. C'est vrai, Mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Ça, c'est vrai, ça. Pour être franc, il faut reconnaître que la pub ne les a pas volées, finalement, ces lettres de noblesse. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette authentique enquête qui nous révèle ce matin qu'en réalité, Voltaire est l'ancêtre de la publicité moderne, mais au sens noble. Attends, il ne faudrait pas gober non plus que Jacques Séguéla puisse en être l'héritier. Franchement, fou rire. Cela dit, l'image de Voltaire fut tout de même récupérée par l'un des peintres les plus bling-bling du XXe siècle. Voltaire ne croyait pas dans le rhinocéros et Dali croit dans le rhinocéros. Aha. Et comment avez-vous choisi Voltaire? Parce que justement, Voltaire, c'est l'anti-rhinocéros par excellence. Ah oui. Morphologiquement, si vous observez, vous verrez que le visage de Voltaire est tout fait par des petites fossettes. Oui. Par des petits... rides fines. Des creux. Tandis que le rhinocéros est constitué par des protubérances et des cornes. Oui. C'est-à-dire que pendant que Voltaire, on pourrait dire qu'il est en creux, le rhinocéros est en relief. Ah oui. Et pendant que M. de Voltaire ne croyait à rien ou à peu près rien, le cataclysme cosmique du rhinocéros est le symbole de la croyance dans tout. Alors maintenant, après avoir découvert que Voltaire n'a rien à voir avec le cataclysme cosmique du rhinocéros, et tant mieux, nous allons nous consacrer dès à présent à l'ultime partie de notre analyse qui consiste, comme d'habitude, à localiser les résurgences contemporaines de la structure mentale ironique de notre philosophe éminemment politique. Et ce matin, nous allons essayer dans les minutes qui viennent de nous lancer à la recherche de l'esprit de Voltaire, car il est évident, devant la puissance de ses lumières, que la psyché de notre patient connaît régulièrement quelques renaissances. Ainsi, engageons une nouvelle fois cette étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée « Au micro-mégastar » où se croise Jean-Paul Sartre, dont De Gaulle dira en 60 « On n'emprisonne pas Voltaire ». Mais tu croiseras également ici au micro deux autres mégastars, François Mitterrand et Robert Badinter. Allez, en route pour l'Eldorado. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogenèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Bien, ce sera qui ce coup-là, Jésus-Christ ou Jeanne d'Arc ? À chaque nouveau, une manifestation d'intolérance dans le monde, on appelle au secours Voltaire. Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes, sous le prétexte d'éclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir de connaissance. Pour débuter, j'aimerais vous demander si vous savez pourquoi vous êtes là. Il invente l'intellectuel, tel que nous le concevons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sort de sa spécialité pour faire appel au sentiment public, pour entrer sur l'espace public. Il existe des opprimés, des exploités et des exploiteurs, et je ne vois ni chez les uns ni chez les autres une sagesse qu'on puisse leur enseigner. Il n'est pas de sagesse exemplaire. Non, ça ne peut pas exister. Il y en aura peut-être, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a que des luttes. Pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre sous peine de damnation éternelle. Qu'est le plus jeune, le plus faible d'entre vous, celui qui pense n'avoir pas d'autre moyen que celui, sont immenses, de son intelligence ou de son caractère, pense que désormais, ils vont disposer autour d'eux d'une société solidaire, d'un gouvernement attentif, qui considérera comme son premier devoir de vous mettre en mesure de conquérir la connaissance et le savoir. Vous croyez que je suis cinglé ? Nous préférons le terme malade. que le pouvoir soit fort ne le gênait pas tant qu'il était ouvert au progrès et au progrès de la société. Et quand on manquait de lois, son équité en faisait qu'on aurait prise pour celle de Zoroastre. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Oui, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Une sublime vision du monde à laquelle souscrit totalement le ministère psychique, mais qui est encore bien loin, malheureusement, de faire l'unanimité. Et encore moins en ce moment, puisque l'ambiance aujourd'hui, c'est plutôt surveiller et punir à tout va, à l'exception bien sûr des banques, même si elles nous ont conduit tout droit à la faillite. 300 000 emplois liquidés en quelques semaines, mais avec tout de même 54 gros milliards d'euros de bénéfices pour les actionnaires du CAC 40. Tout est normal, je te dis. 54 milliards d'euros, c'est deux fois le montant du plan de relance proposé par Nicolas Sarkozy. C'est hallucinant. Enfin bon, que faire alors pour retrouver un peu de vitalité au cœur de cette morosité? Eh bien, sans aucun doute, faut-il suivre le conseil voltairien le plus célèbre. Je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Mais à l'instant vient d'entrer en studio Alain Baraton, le jardinier de Versailles. Bonjour Alain Baraton. Bonjour Sandra, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Alors ce matin, dans quel sens avanceriez-vous si vous étiez président de la République alors? Eh bien déjà, si j'étais président de la République, je serais très inquiet de la montée du chômage aussi. Vous avez raison, dit Pangloss. Car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis. Ut operaretur eorum, pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. À noter que ces coquelicots seront semés sur les ronds-points de nos villes par ceux-là même qui les massacrent à la campagne. Absurde. Candide, Martin et Pangloss disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. Vous limitez par contre l'apport de gazon, parce que le gazon dégage des odeurs assez épouvantables, donc mettez-en, mais de façon modérée. Ça sent pas bon le gazon? Le gazon, ça dégage une odeur assez désagréable, surtout si on la met beaucoup. Ça chauffe très vite, ça dégage une sorte de fumée, et puis ça risque, comment dire, de faire un gazon, un terreau un petit peu particulier. L'idéal d'un bon terreau, c'est justement le mélange des déchets végétaux. Cela est bien dit, répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin. Eh oui, tous les week-ends sur France Inter, M. Baraton fait revivre l'esprit de Voltaire, puisqu'il cultive notre jardin. Sacré Alain, va! Mais figure-toi que les aventures de Candide sont bien plus présentes encore qu'on ne pourrait l'imaginer. Lors de nos recherches préalables à cette consultation voltairienne, notre laboratoire expérimental s'est aperçu combien ce conte philosophique demeurait absolument moderne et combien il a inspiré de nombreuses créations artistiques contemporaines. Tiens, installe-toi et découvrons ce conte postmoderne qui nous enseigne, telle la philosophie de Pangloss, que le malheur n'est que l'apparence d'une cause qui est bonne. S'il vous plaît, le rideau va se lever, regagnez vos places. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Thundertentronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison, qu'on le nommait Candide. Candide ! Candide ! Candide ! Et Candide, hey, attendez-nous, voudrais-vous parler ? Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur. Et vous avez promis de nous lire les histoires du livre d'images. C'est pas gentil d'avoir oublié. Fraîche, grasse, appétissante. Je vous en prie, nous ne sommes pas à l'école, un peu de tenue. Un jour, Cunégonde vit Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Et je suis vraiment désolé. Ça ne fait rien, je vous assure. Venez, je vais vous raccompagner jusqu'à votre chambre. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle. Leurs bouches se rencontrèrent. Leurs yeux s'enflammèrent. C'est ton petit ami, avoue-le. Oh, chouette! Qu'est-ce qu'on va se régaler? Leurs genoux tremblèrent. Leurs mains s'égarèrent. Oh, après une nuit pareille, je tombe littéralement de sommeil. Monsieur le baron de Thundertentronk passa auprès du paravent et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Où étiez-vous donc passé? C'est une grande question, dit Candide. Vous ne vous appelleriez pas Candide par hasard? Un jeune monsieur très distingué, hier soir, il voulait vous voir. Il m'a confié une lettre pour vous et je l'ai glissée sous votre porte. Cela est bien impoli, dit Candide. Cher Candide, je t'ai attendu devant l'entrée de l'hôpital, mais je ne t'ai pas vu. Je dois repartir par le train de midi. Je voudrais t'entrevoir. Allons, dit Candide. Recommandons-nous à la Providence. Au pays de Candide, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candide. Oui, au pays de Candide, tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Enfin bref, pour en finir avec les résurgences contemporaines de notre patient, revenons une fois de plus par chez nous. Dans notre ministère de psychopathes, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que tu connais bien désormais et que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques voltairiennes. Alors comme d'habitude, c'est complètement absurde mais totalement indispensable, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais. Ouais. Je t'aime bien, Voltaire. T'es coiffé comme le guitariste des Guns N' Roses. Et toi aussi, t'es un teigneux, hein, dis donc. Au siècle des Lumières, t'es l'halogène. Réostat, donf. Monsieur 100 000 volts, air partout. Tu t'en prends même à Dieu, hein. Et tu dis, la religion existe depuis que le premier hypocrite a rencontré le premier imbécile. Dis donc, Voltaire, t'es presque un athée à 5 heures. T'as la verve turgescente, mon colon, hein. C'est toi le caustique qui dessoude. Attention, à force de taper, tu vas finir comme ton pote Rousseau qui se promène nu comme un ver solitaire. Ouais, faut pas être aigri comme ça. T'as écrit plein de bouquins, il y en a même un qui s'est bien vendu. Hein, t'as de la chance, partout en France, de Nantes à Montaigu, zadig, zadig. De Nantes à Montaigu, zadig à du cul. Tu seras con. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.